Eh bien bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Fagette et bienvenue pour ce numéro spécial de la boîte à BO quand la BO fait le film. Et comme chaque semaine, cette émission est animée par Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors Francine, peux-tu nous en dire un peu plus sur le contenu de cette émission ? Eh bien Jérôme, la musique sans images ça marche, mais un film sans bande-son va être difficile à imaginer. En effet, la musique de film développe la dynamique de l'histoire en arrière-plan. Nous avons sélectionné aujourd'hui quelques films cultes que l'on ne peut imaginer sans leur bande-son. Et le choix a été si difficile que nous avons décidé de faire deux émissions sur ce thème. Alors donc, sans plus tarder, voici donc ce spécial La boîte est BO, quand la BO fait le film. Et merci de rester fidèle à Radio Fagette. Alors, commençons sans plus tarder par le film de science-fiction par excellence, Francine. Alors, si je te dis dans une galaxie très lointaine, ces quelques mots évoquent tout de suite un film, Francine. Mais Star Wars. Eh bien, bien évidemment, il est sans doute le plus connu de tous les compositeurs du cinéma, John Williams, qui, à travers donc ce film, a marqué l'histoire du 7e art grâce à sa collaboration avec Steven Spielberg et George Lucas sur la majorité de leurs films. Alors, retrouvons tout de suite cette puissante mélodie qui, dès les premiers instants, remplit l'espace de cuivre et de timbales avec une orchestration de plus en plus complexe et qui ouvre et clôture tous les films de Star Wars avec une explosion de son. Certainement l'un des plus grands thèmes de tous les temps au niveau, effectivement, des bandes originales. Voici donc Star Wars. Continuons toujours avec John Williams, avec la bande-son Les Dents de la Mer, le classique de Steven Spielberg de 1975. BO emblématique et magistrale. Alors, Williams compose une musique dans laquelle l'instrumentation des cuivres, des cordes et des percussions devient de plus en plus complexe. Tout est fait pour que vous vous retrouviez vraiment face aux Dents de la Mer. Et on peut se demander la question en revoyant le film, quel succès aurait-il eu sans la présence de ce thème obsédant que je vous propose de réécouter ? Mm. Voilà, c'était donc le film donc Les Dents de la Mer. Alors passons maintenant donc au film Rocky. Depuis 1976, le film culte avec Sylvester Stallone a ramené environ 225 millions de dollars dans les caisses pour un budget de production de seulement 1 million de dollars. Alors Francine, as-tu monté et descendu les escaliers, fait des pompes ou autre abdos sur cette musique? Mais Jérôme, je fais ça tous les jours. Ah, parfait. En tout cas, donc, cette musique signée donc, Bill Conti deviendra l'un des symboles pour tous les gens qui se relèvent. Allez, réécoutons avec plaisir cette bande originale. Vous êtes bien sur Radio Fadjet, c'est la boîte à BO et vous savez que Radio Fadjet, c'est une grande famille et on a le plaisir d'accueillir dans nos studios Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour Jérôme. Alors je crois que tu es un fidèle de Radio Fadjet et tu animes de nombreuses émissions sur Radio Fadjet, tu peux nous les rappeler ? Tout à fait, eh bien, vous avez le plaisir de me retrouver tout d'abord à 13h jusqu'à 13h30 tous les jours pour le 13 en forme sur Fadjet, votre magazine d'actualité locale mais aussi nationale et internationale. Je suis également le mercredi soir de 18h à 19h tout d'abord pour l'émission Menu étudiant, l'émission 100% étudiante de Fadjet et de 19h à 20h toujours le mercredi soir pour l'émission eSport le mag qui parle de toute l'actu du jeu vidéo. Parfait Valentin, alors les bandes originales de films, est-ce que tu les apprécies? Mais je les apprécie énormément, j'ai un papa cinéphile qui adore les musiques. J'espère qu'il écoute la boîte à BO régulièrement. Évidemment, bien sûr. Et je ne suis pas venu mains vides, je suis venu justement avec une musique, une assez connue. Je te propose d'écouter ces quelques notes. Ah, effectivement, c'est Mission Impossible. Bravo, évidemment. Composé par Lalo Schifrin, compositeur argentin, qui est l'auteur d'une centaine de musiques de films, Obamo, il a notamment composé les musiques de Bullitt avec Steve McQueen, de l'inspecteur Harry avec Clint Eastwood, ou encore d'Opération Dragon avec Bruce Lee, et des nombreuses musiques de séries TV. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-unes? Ah, je crois qu'il y avait Starsky et Hutch. Ouais. Ah, et je crois aussi Mannix. Exactement. Lalo Schifrin, il a été sélectionné à 6 reprises pour l'Oscar de la meilleure musique de film entre 1967 et 1983, sans toutefois recevoir la prestigieuse statuette. C'est donc le thème de la série Mission Impossible qu'il a réellement rendu célèbre. Il nous offre en effet une musique pleine d'adrénaline. C'était donc Lalo Schifrin pour la musique de Mission Impossible. Et ben merci Valentin pour ce petit cadeau. Avec grand plaisir mon cher Jérôme. Et ben j'espère que tu reviendras donc dans notre émission La Boîte à BO. Mais avec grand plaisir, on est si bien accueillis. Et ben merci. Et bien on va continuer maintenant avec Francine qui va nous parler donc d'une autre musique, d'une grande musique de film. En effet Jérôme, passons à une BO de référence, James Bond. Le thème principal de la franchise du célèbre espion est devenu mondialement connu. Mais cette musique de James Bond n'est pas une création originale de John Barry. Il en est certes l'orchestrateur, l'arrangeur de génie, mais le créateur de la mélodie est un musicien anglais qui s'appelle Monty Norman. En fait, en 1960, Monty Norman, qui a la cote à Londres, compose une comédie musicale sur la communauté indienne. Mais le spectacle ne verra jamais le jour et parmi les morceaux qui restent à l'époque dans les tiroirs, Bad Sign, Good Sign, qui est donc resté à l'abandon jusqu'à ce que les producteurs du premier James Bond, James Bond contre Dr. No, demandent à ce musicien de composer la musique du film. Monty Norman s'est alors souvenu de ce thème inutilisé. Il est allé le rechercher. Après écoute, les producteurs n'ont pas été séduits par les arrangements, on les comprend, et ils ont donc appelé à la rescousse le grand John Barry afin qu'il transcende cette mélodie pour en faire le thème de 007 qu'on connaît tous. Et pour la petite histoire, Barry et Norman se sont disputés la paternité de la musique de James Bond, mais le cas est réglé. L'un et l'autre ont pu toucher des royalties. Donc retrouvons tout de suite cette mythique BO de James Bond. Thank you. Voilà, donc après donc John Barry et donc la musique du film James Bond, passons maintenant à la bande originale mythique de 2001, Odyssée de l'espace. Le réalisateur Stanley Kubrick utilise la musique du compositeur allemand Richard Strauss au début de son film, une séquence devenue mythique grâce à ce chef-d'œuvre cinématographique. Alors, petit rappel, dans 2001, L'Odyssée de l'espace, la première ligne de dialogue intervient seulement à la 25e minute. Stanley Kubrick utilise alors la bande-son comme appui, inspiration et œuvre d'art à part entière. Alors retrouvons tout de suite ce monument de la musique de film. Continuons tout de suite avec la musique classique avec Apocalypse Now. Donc sorti en 1979, un film réalisé par Francis Ford Coppola. Un film sur la guerre du Vietnam qui utilise les Doors et les Rolling Stones comme musique, mais aussi Wagner. La scène de l'attaque en hélicoptère sur fond de chevauchée des Valkyries a marqué des millions de spectateurs. Le mariage entre ces images de guerre et la musique fonctionne tellement bien qu'on n'en retient aujourd'hui que le côté impressionnant. Et c'est donc devenu une référence que je vous propose d'écouter. Voilà, terminons maintenant donc par la bande originale du film Titanic. Alors la mélodie probablement la plus présente dans nos esprits est la chanson My Heart Will Go On, avec la voix parfaite de Céline Dion, qui n'arrive curieusement qu'à la fin, au générique. Curieux parce que la chanson finale est devenue la figure de proue musicale de ce film dramatique, et il faut bien de la mélancolie, du drame et un amour fatal pour faire pleurer dans les chaumières. Voici tout de suite donc Céline Dion. Et c'est sur cette musique de Céline Dion que nous allons donc terminer pour le film Titanic. Ainsi s'achève ce numéro spécial de la boîte à BO. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez pris plaisir de découvrir et de réécouter certaines musiques de films. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur le site Facebook de Fadjet, puis de nous faire part de vos BO coup de cœur. Eh bien, une nouvelle fois, merci Francis de m'avoir accompagné. Rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jérôme. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet. Them.